Chapitre 2. Elkvor du fleuve bleu. Elkvor, fils de Stra, marchait vers l'amont du fleuve avec deux chiens, un loup et un enfant. Une peau d'ours couvrait les épaules de l'homme, une peau de chacal celle du petit. La vie croissait dans leur poitrine comme les herbes sur la savane. De Stra et des ancêtres, Elkvor avait reçu la haute stature, les yeux fauves et les cheveux clairs. Son agilité était comparable à celle du cerf Eilaf. Sa force approchait celle d'Aigoun, le plus massif des hommes assemblés dans la presqu'île rouge. Depuis 20 générations, le clan élevait et dressait les chiens. Elkvor, un jour de chasse, avait recueilli un jeune loup. La bête, au regard oblique, vivait avec les chiens au regard droit. Comme eux, obéissante et fidèle, elle servait l'homme et pourchassait l'herbivore. C'était l'automne. Les guerriers du fleuve bleu couraient l'aventure. Le clan était gardé par 5 guerriers et 20 chiens. Plusieurs vieillards savaient encore lancer la sagaie. On comptait plus de 60 femmes, jeunes ou dans leur force. Chaque jour, deux des guerriers avec leurs chiens partaient à la découverte, car venant des hommes, le danger lointain est le plus redoutable. Elkvor explorait le sud. Les hommes de la pierre aux têtes cubiques habitaient à deux lunes de marche. Ils ne les avaient jamais vus. Megmar et Stra racontaient que jadis ils combattaient près du fleuve bleu et les lacs verts. Leurs haches et leurs couteaux, plus redoutables que les haches de pierre et les massues de bois de chêne, sortaient du feu. Elkvor, suivi par les chiens, le loup et l'enfant, gravit un roc au bord du fleuve. De là, il épiait la vie. Il ne savait pas qu'elle était antique, ou du moins, il ne remontait guère vers un amont où lui-même n'existait pas encore. Toute chose était neuve, comme sa jeunesse. Le monde recommençait chaque matin. L'herbe, l'arbre, le calice, la corolle, l'eau et les nuages étaient inépuisables. Il y aurait éternellement des chevaux et des aurochs paissant la savane, des hippopotames parmi les roseaux, des rhinocéros nombreux et des sangliers bourrus, des cerfs à la voix chevrotante, des mégacéros au bois géant, et même des mammouths semblables aux vieux sycomores. Jamais les biches ne cesseraient de vivre sous les ramures, les corbeaux de s'assembler en troupes noires, les ramiers, les cigognes, les canards, les grues, les hirondelles, de parcourir la vaste étendue. Un monde où n'existeraient plus les vautours, ni l'aigle, ni le lion des cavernes, ni le léopard roux ou le léopard noir, ni les hérons rêvant sur les promontoires, ni les insectes sans nombre, ni les bêtes des eaux, n'avaient aucune figure pour Elkvor. Son œil vigilant suivait partout ces formes étranges qui se meuvent parmi les plantes immobiles, armées de leurs dents, de leurs griffes, de leurs sabots, de leurs cornes, de leur venin, armes attachées à leur corps même, tandis que Elkvor porte les sagaies, la massue, la hache de Néfrit, l'arc et les flèches qu'il peut déposer sur le roc. Près de lui, leur sens ouvert à toutes les variations de l'atmosphère, les deux chiens et le loup, armes aussi pour l'homme, armes vivantes qui agrandissent sa prise sur le monde et dont n'usent encore ni les dzo, ni les hommes des lacs verts. L'enfant, agile et infatigable, petite créature au cœur belliqueux, se dissimule dans l'herbe, dans les fissures étroites, derrière les faibles plis du terrain, jusqu'aux branches trop minces pour supporter le poids de Elkvor, et déjà connaît les ruses humaines. Les chiens grondent, et le loup s'est dressé. Ce sont les mammouths. Leur masse, couleur d'argile, s'avance comme des rochers. Avec leurs trompes, pareilles à des reptiles fangeux, leur surprenante défense, leurs pieds lourds comme des arbres, ils semblent venir du fond des âges. Tout en eux est étrange. Seul parmi les vivants, ils portent ce nez qui est un bras colossal, ces dents qui pèsent 100 fois le poids d'une massue. À travers les millénaires où leur race vécut souveraine et pacifique, ils virent disparaître le félin géant et les grands ours des cavernes. Eux-mêmes bientôt cesseront de surgir sur la savane et dans la sylve. Ceux-ci sont parmi les derniers de la race. Déjà leurs semblables ont disparu au pays des hommes du roc. Ils s'avancent rarement jusqu'au lac vert, mais le fleuve bleu abreuve encore des troupeaux assez nombreux pour que Helgvor les estime éternels. Il les aime, ils satisfont sa passion essentielle pour la puissance. Et debout sur le rocher, il clame. Le mammouth est plus fort que le lion, le tigre et le rhinocéros. Le loup écoute et flaire. Les chiens cessent de gronder. Tous trois connaissent leur impuissance contre ces rocs de chair. Helgvor les regarde boire avec une exaltation sourde. Il rêve qu'on aurait pu les dresser comme des chiens, car mieux qu'aucun des hommes du fleuve, ils possèdent l'instinct qui transforme la bête libre en bête soumise. Gardée par les mammouths, la tribu serait invincible et les hommes du roc n'oseraient jamais approcher de la presqu'île rouge. Un long tressaillement agita la chair du nomade. Là-bas, très loin, subtil et redoutable, une colonnette bleuâtre sinuait derrière un tertre et s'évasait en montant. Par ce matin calme sur la plaine humide, elle ne pouvait avoir qu'une seule signification, formidable, la présence des hommes. L'inquiétude tomba sur Helgvor comme un coup de massue, puis une espérance frêle. Peut-être des chasseurs étaient revenus. Mais était-ce possible? Les guerriers avaient quitté les clans depuis 10 jours, et les grandes battues duraient une demi-lunaison. Sans doute avaient-ils rencontré de grandes troupes de chevaux. Depuis longtemps, autour de la presqu'île rouge, on ne les trouvait qu'en petit nombre. Or l'hiver, on retenait des chevaux captifs dans la bouche du fleuve, sous la garde des chiens. Ils y trouvaient une partie de leur pâture. Une autre partie demeurait en réserve, cueillie par les femmes dès la fin de l'été. Quand la chasse était chétive, ils servaient à nourrir les clans. Helgvor eût voulu les domestiquer, mais au nom des traditions obscures, les anciens s'y opposaient. Les chevaux s'habituaient vite à vivre dans la boucle, loin de l'entrée, où les hommes avaient élevé des barrières et construit des huttes. « Hiolg, sois invisible !» dit le guerrier à son petit compagnon, tandis que lui-même se couchait sur le sol. L'enfant se tapit contre le roc. Helgvor continuait à épier la menaçante fumerole. Il attendit longtemps. La fumée s'épaissit d'abord, puis se raréfia. Hors des deux côtés du tertre, des buissons s'étendaient, derrière lesquels toute présence devait rester secrète. Helgvor, ayant examiné les accidents du site, savait que même Hiolg ne pourrait approcher sans être visible. C'était partout la steppe. Seule la rive du fleuve permettait de s'abriter. Mais le fleuve en amont comme en aval s'éloignait du tertre. « Les hommes ont-ils vu Helgvor ?» se demandait-il. « Peut-être épiait-il derrière les buissons, comme il épiait en haut du roc ? Alors il ne se montrerait point. » Soudain il poussa une exclamation. Un être vertical venait de dépasser le buisson de gauche, et l'œil aigu de Helgvor connut que cette tête cubique et ce corps trapu n'appartenaient pas à un fils du fleuve bleu. Ses entrailles se tendirent, car il sentit que le clan, et lui-même, couraient un risque formidable. « Hiolg voit-il l'homme ? » demanda-t-il. « Hiolg le voit, » répondit l'enfant aux yeux d'épervier. La distance était trop grande pour leur flair. Les chiens et les loups demeuraient impassibles. Helgvor examinait chaque recoin du site. Pour battre en retraite, on devait atteindre la rive du fleuve. Le rocher rendrait l'homme et l'enfant invisibles jusqu'à 10 pas des peupliers noirs. Là, une zone d'herbe rase, large de 20 pas, deviendrait dangereuse. Pourtant, il fallait gagner la presqu'île rouge au plus vite. Helgvor éleva sa peau d'ours jusqu'à son crâne, et Hiolg fit de même avec le pelage du chacal dont il enveloppait ses épaules. « Helgvor et Hiolg doivent rejoindre le fleuve, » dit le jeune homme. Ils descendirent du roc, dans la direction opposée au tertre. Puis ils se coulèrent dans les herbes et se mirent à ramper. Les chiens et le loup suivaient en silence. Quand ils approchèrent de la zone dangereuse, ils s'assurèrent que les pelages couvraient bien leur tête, et alors, à 4 pattes, ils imitèrent la démarche de l'ours et du chacal. À cause de la distance et de leur adresse, les hommes à la tête cubique s'y tromperaient peut-être. D'ailleurs, la zone fut si rapidement franchie qu'il eût fallu pour les apercevoir que d'avance des regards fussent braqués dans cette direction. À l'abri d'arbustes et d'herbes hautes, ils épièrent le tertre. 3 hommes étaient maintenant visibles. L'un d'eux faisait des gestes, mais il était impossible d'en démêler la signification. Et il ne semblait pas qu'aucun des visages fut nettement tournée vers le refuge où s'abritaient Helgvor et Yolg. Vite, murmura Helgvor. Il se mit en route à grands pas, s'élevait à 20 coudées au-dessus des flots. Par intervalles, Helgvor ou Yolg se retournaient, et au coude du fleuve, ils gravirent la berge pour examiner le site. On n'apercevait plus le tertre, mais aucun homme n'apparaissait. Les hommes du roc ne nous ont pas vus, conclut le guerrier. Ils marchèrent le tiers d'un jour, en s'assurant périodiquement que personne ne suivait leurs traces. La presqu'île rouge fut proche. Helgvor songeait au moyen de la défendre. Avec 3 autres guerriers, les femmes, les chiens, on pouvait repousser des ennemis peu nombreux, et sans doute l'attaque ne se produirait que si les envahisseurs se sentaient de beaucoup les plus forts. L'exiguïté du tertre, l'apparition d'un guerrier solitaire, faisait pressentir un petit parti de chasse. Or l'entrée de la presqu'île, large d'une 20aine de pas, était défendue par des blocs. Helgvor pensait qu'il faudrait plus de 20 hommes pour la forcer. Yolg interrompit les réflexions du guerrier. Il arrivait, haletant. Des hommes marchent vers le fleuve. Helgvor gravit la berge. Là-bas, une troupe d'hommes dispersés avançait avec prudence. Tous avaient la tête massive et la stature épaisse. Le guerrier crut reconnaître l'homme du tertre. Il compta 7 silhouettes. Si l'on voulait éviter une surprise, il fallait se hâter. Mais l'enfant, quoique agile, retardait la marche. Le guerrier dit « Helgvor va courir. Yolg sait se rendre aussi invisible que la taupe. Il suivra d'assez loin. » L'enfant n'avait pas peur. S'il le fallait, il entrerait dans le fleuve. Il nageait et plongeait comme une loutre. Et à l'autre rive, il y avait des refuges sans nombre dans les rochers et dans la forêt. Yolg ne sera pas vu, riposta-t-il. Helgvor prit sa course. Sa vélocité égalait presque celle des chevreuils. Il approchait maintenant du lieu où le fleuve tournant à angle droit commençait la presqu'île. Une rumeur s'entendit d'abord, confuse, puis des rauquements, des clameurs farouches, de longues plaintes, des cris d'épouvante. Helgvor s'arrêta. Le frémissement du désastre emplit son âme. La presqu'île rouge était envahie. Les os fendaient les crânes, perçaient les ventres, disloquaient les membres. Les vieillards et les femmes, un guerrier survivant, fuyaient devant une horde hurlante. À chaque pas, une massue s'abattait, une sagaie s'enfonçait dans une poitrine, et la victime terrassée, un tso achevait de lui écraser la tête ou de lui défoncer le cœur. Exténué par ses blessures, le dernier guerrier fit face. C'était pour mourir. La poitrine inondée de son propre sang, les yeux aveuglés et les jambes tremblantes, il balbutiait des injures et prédisait la vengeance des Ougmars. Il leva péniblement sa hache et frappa au hasard. 10 massues s'abattirent. Le guerrier roula dans les herbes où les sagaies fouillèrent sa chair pantelante. Alors, saisi d'une fureur sacrée, tout tremblant de la fureur de sa race, Helgvor clama. « Les Ougmars écraseront les Tso !» Saisis, les envahisseurs se tournèrent. Ils ne virent rien. Helgvor, concevant l'impossibilité de toute lutte et la nécessité de survivre, s'était tapi dans les buissons épais qui foisonnaient près de la presqu'île. Plusieurs Tso explorèrent en vain l'espace. Helgvor, le loup et les chiens demeurèrent invisibles. Déjà, Helgvor et Yolg semblaient hors d'atteinte. L'Ougmar avançait sous le couvert lorsque le loup et les chiens grondèrent. 2 guerriers Tso apparurent au détour d'un roc qui avait en même temps que la brise atténué leurs émanations. C'était un lieu sévère que des blocs surplombants plongeaient dans une pénombre et qu'environnaient des fourrés fauves. Helgvor et les arrivants, immobilisés, s'épièrent. Ce fut une minute implacable. La vie pour le vainqueur, la mort pour le vaincu. L'homme du fleuve bleu donna le signal aux loups et aux chiens. Ces bêtes rusées filèrent parmi les végétaux et ne reparurent qu'après avoir tourné les tso. Coup sur coup, Helgvor tira 2 flèches. La première frôla le crâne d'un tso, la seconde lui creva un œil, et tandis qu'il poussait un hurlement de douleur, le loup l'assaillit par derrière. À grand bond, la hache haute, Helgvor avait pris son élan. Le second tso alla au-devant de l'attaque pendant que l'autre luttait contre le loup et les chiens. Une sagaie écorcha l'épaule d'Elgvor, puis les antagonistes se trouvèrent face à face. Le tso était trapu, les épaules puissantes, les mains musculeuses. Il clama. « Les tso ont pris vos femmes et tué vos enfants. Ils massacreront vos guerriers et il n'y aura plus d'Ougmar sur la terre. » Elgvor ne comprenait pas ces paroles, mais sachant qu'elles étaient injurieuses, il riposta. « Les Ougmar anéantiront la race immonde des tso. » Sa hache tournoyait, l'autre brandissait sa massue. Parce qu'ils étaient agiles, doués d'yeux vifs et de mains adroites, aucun ne fut atteint d'abord. Bondissant comme des léopards, tout ensemble ils frappaient et s'effaçaient devant l'arme adverse. Elgvor, redoutant l'arrivée d'autres ennemis, résolut d'en finir. Il abaissa son arme, il laissa s'abattre la massue de chêne. L'arme pesante faillit l'atteindre, mais l'évitant d'un saut léger, il fendit le crâne de l'adversaire entraîné par son élan. Le vaincu s'affaissa d'un bloc et agonisa sur les herbes. Là-bas, le loup et les chiens, vainqueurs, dévorèrent le guerrier mourant. Hiolg, qui avait contribué à leur victoire en entravant les jambes du tso, se précipita au-devant d'Elgvor qui cria « Ainsi périront tous les tso, race de chacal et d'hyène fétide !» Mais les tso, n'ayant pu voir le combat, ne connurent que plus tard le sort des deux guerriers. Et comme on ne trouvait pas Elgvor, ils achevèrent leur tâche. Ils parquaient les femmes adultes. Ils massacraient méthodiquement les derniers vieillards et les enfants. Parfois, un vieil homme ou une femme se traînant à leurs pieds, les guerriers se mettaient à rire et prolongeaient le supplice. Enfin, la tuerie s'arrêta. Le chef, à demi prosterné, étendit les mains et clama « Vie cachée, les tso vous ont abreuvé de sang. Vous ramènerez dans le pays des rocs les guerriers ainsi que les femmes captives. » Quelque temps encore, les tso explorèrent la presqu'île rouge. Parfois, ils découvraient un vieillard tremblant ou un enfant épouvanté. La massue et la sagaie les exterminaient.